Je fais pas du rap de légende, j'aiguise une frappe alléchante. Je me soigne avec des lettres, jamais gratuit si tu me vois frapper des gens. Demain c'est loin, quand tu calcules, t'as déjà 50 ans. Les bons comptes font les bons amis, pourquoi penses-tu qu'on s'entende? J'accepte de faire sauter les portes, le public est consentant. Je connais les amas, les plaques grasses, les chaudes liasses, les gros casses. Mais qu'on soit, qu'on respire pas dans la crasse. Je connais les sous-sols de l'indépendance et choutasse. Couze, je connais l'homme, je connais le filon. Je connais une poignée de mains sincères, je connais le bifton. Je connais pas la rue, je traîne des ruelles, sont ma femme, je l'aime. Elle sait que je me tape pour rester bon. Passe à table, je te parle pas de barbe quand on part au charbon. Entre deux coups de fil, je reçois la cover et je mixe les sons. Bac remet le couvert, je fais l'état des lieux, c'est le boxon. Ce soir, je crache mes tripes, j'ai alcoolisé la session. Alors pousse les gains, qu'on leur montre ce qu'on sait faire. Y'a pas de chiché au moins, gros, les problèmes, on se les crée, frère. On avance dans l'indé selon nos critères. Et toi, tu parles de rentabilité, oh. Je te parle d'un cri de guerre. C'est pour nos collègues qui galèrent, qui startinent des galettes de bon son. Pour ceux qui ont pris la haine comme pension, on pète des câbles, t'étonnes pas nous voir hors tension. On est venu pour notre part et pas notre portion. Portion. Mon indé passe avant tout par le kiff, par des nuits blanches et par des stades de nez révolutifs. J'suis blindé, blindé de standards pleins et fourgon dream. On lâchera rien, mais mine de rien, c'est fou ce qu'on trime. Mon indé pour faire passer le message sans discrétion. J'ai raté l'occasion de me taire et de faire des concessions. Gros, j'ai plaqué des tonnes de mots sans tolérance. Ce n'est pas une doléance, laisse-moi le rap et mon indépendance. J'positionne au mic depuis que j'ai 15 piges gros. Jamais cessé de me dire que cet avenir ne peut m'amener qu'au casse-pipe. Trop de périodes de doute et de colère intérieure. Gros, un salaire inférieur n'a pas réduit la nature de mes ardeurs. Pour cette caisse qui claque, pour cette basse qui me réveille, qui me fracasse la tête comme une canette au soleil. On fera avec les tracas, les joies, les peines, c'est pareil. Une putain de rage implacable qui me fera faire mieux que la veille. Oh, peur à vite, couple vite, famille, un casse-tête qu'on kiffe résoudre. On l'a choisi, je crois qu'on kiffe les coups. Parce que le but c'est déjà rêver seul, sans major qui te presse le cul. Ouais, pour leur plaire, vaut mieux s'habiller court. On s'improvise, MC Clipper ingé. On synchronise la dalle, les moyens de l'indé. Ouais, j'ai mon sac, mon pet, mon CD. J't'affirme que sans le rap, on sait que des cordes et CD. Même dans les cordes, tirer les stores, j'l'ai pas encore décidé. Au moins une piste, le public m'attend au virage. Sur la tête de mon 16, ici on croit pas au miracle. Faut se bouger pour trouver les fonds qui t'habillent, craft du cirage. Bien sûr que t'as mes couilles sur la table, t'as les crouilles sous Jagda. Flashé sur les roues de l'artisanat, autodidacte. Voici mon arc, t'inala. Bonnar quand le son tourne par-ci par-là. La peuf n'est pas coupée à la variette, tu peux sortir tes rises là. Mon indé passe avant tout par le kiff, par des nuits blanches et par des stades de nez révolutifs. J'suis blindé, blindé de standards pleins et fourgon dream. On lâchera rien, mais mine de rien, c'est fou ce qu'on trime. Mon indé pour faire passer le message sans discrétion. J'ai raté l'occasion de me taire et de faire des concessions. Gros, j'ai plaqué des tonnes de mots sans tolérance. Ce n'est pas une doléance, laisse-moi le rap et mon indépendance.